Bonjour, je m'appelle Tino, j'ai 13 ans, j'habite à Saint-Pierre-sur-l'île de La Réunion. J'adore Fortnite depuis 2 ans et j'ai écouté votre émission Blockbuster et c'est super, voilà, au revoir. Fortnite, alors j'ai essayé et j'ai réessayé, ça a jamais voulu démarrer. Voilà. Moi j'aime bien jouer à Fortnite parce que le côté construction, attaque, un peu cartoon. C'est bon dans l'ensemble, et pour les skins, les tenues, c'est surtout une question un peu de respect, parce qu'en général, quand tu joues avec le skin de base, qui est le skin Bambi, comme on dit, on se fait pas trop respecter. Enfin, les gens ils critiquent alors qu'il n'y a rien. Franchement, c'est pas de l'élitisme, mais Fortnite, c'est non. Désolé. Quand vos invités disent que le jeu est difficile à prendre en main, qu'il faut prendre en compte la gestion de la construction en plus du tir et tout ça, je me suis vraiment retrouvé dans cet argument. Et puis après, c'est pour ça que les jeunes le prennent plus facilement en main. Et là, je me suis dit, bon, ben merci, je suis vieux. Oui, bonjour. Message pour Fortnite, sur Fortnite. Pendant le confinement, ça a été le réseau social de mon fils de 11 ans. Nous, on avait Facebook et tout plein de choses, et eux avaient Fortnite. Et ça a été le lien entre lui et ses copains pendant les mois de confinement. Même si j'étais réticente, merci Fortnite quand même. Au revoir, merci. To be or not to be, not to be. Le père d'Alexandre Dumas était métisse. Mais qu'est-ce que tu veux que ça nous foute, vont dire certains. Séparatisme, vont dire les autres. Eh ben n'empêche que, vous vous rendez compte que le père de celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, le comte de Monte Cristo, de la reine Margot, eh bien c'était un ancien esclave. Celui qui, dans l'histoire de France, est devenu ensuite le général Dumas, a commencé sa vie en étant vendu, ainsi que ses trois autres frères, par son propre père, parce qu'il les avait eus avec une esclave africaine. Alors son père l'a racheté ensuite, tant mieux, la psychanalyse n'existait pas encore. Et alors que le général Dumas était en pension pour y jouir d'une bonne éducation, il rencontra le chevalier Saint-Georges, un autre chevalier noir de peau. Attendez, il y a eu un chevalier noir de peau? Non mais c'est dingue, vous comptiez le faire savoir quand? Ces informations, ce n'est pas l'école qui me les a transmises. Ce sont des historiens que j'ai rencontrés des années plus tard. Alors évidemment, pour vous, ça n'a peut-être l'air de rien, mais pour des élèves issus du métissage comme moi, qui apprennent une histoire de France dont ils sont le plus souvent absents, ça change beaucoup de choses. Il y a aussi l'histoire de Yasuke, cet ancien esclave noir devenu samouraï. Des individus au destin que je n'arrive même pas à appréhender. À une époque où la moindre tentative de prise de parole des Noirs est perçue comme un horrible communautarisme, où un ancien président de la République a même dit que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Je me dis que le problème n'est pas que l'Afrique ne soit jamais entrée dans l'histoire, mais plutôt que l'histoire ou ceux qui l'écrivent oublient trop souvent de parler de l'Afrique. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Nous sommes à l'aube du XVIIe siècle. Après l'assassinat de son père, le jeune roi Louis XIII monte sur le trône de France. De tous côtés, l'ennemi menace cette nation autrefois paisible. Même au sein de son propre royaume, le cardinal de Richelieu, conseiller du roi, conspire en secret pour s'emparer du pouvoir. Louis manque d'expérience. Il vient d'épouser la reine Anne. Tous deux se retrouvent vite abandonnés de tous. L'Europe est une poudrière prête à exploser dans une guerre qui engloutira le continent tout entier. Seuls quelques hommes sont en mesure d'empêcher cet apocalypse. Dans une lettre adressée à Napoléon III, Alexandre Dumas dit ceci de lui-même. Il y avait en 1830, et il y a encore aujourd'hui, trois hommes à la tête de la littérature française. Ces trois hommes sont Victor Hugo, Lamartine et moi. J'ai écrit et publié 1200 volumes, traduits dans toutes les langues. Ils ont été aussi loin que la vapeur ait pu les porter. Quoique je sois le moins digne des trois, ils m'ont fait, dans les cinq parties du monde, le plus populaire des trois. Parce que l'un est un penseur, l'autre un rêveur, et que je ne suis moi qu'un vulgarisateur. Pour revenir sur l'œuvre phare d'Alexandre Dumas, ce vulgarisateur de génie, comme il se déclaré lui-même. Je suis en compagnie de Mathieu Letourneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre et votre dernière publication s'intitule « Fiction à la chaîne, littérature sérielle et culture médiatique aux éditions du Seuil ». Oui. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue universitaire en ligne Belphégor, consacrée à la littérature populaire et aux cultures médiatiques. Avec nous également Luce Roudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'Université Paris-Nanterre sous la direction de Mathieu Letourneau et Judith Lioncan, et vous travaillez pour votre thèse sur les archives de la littérature populaire et sérielle. Tout à fait. Et avec nous, Élodie Murzy, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à Ici Librairie dans le 2e arrondissement de Paris et passionnée par les romans d'Alexandre Dumas. Absolument. Ensemble, on va revenir sur la carrière d'Alexandre Dumas, sur sa prolifique production, son goût du faste et de la bagatelle, qui du coup l'obligeait à travailler beaucoup, son talent inné de la narration et de la littérature sérielle. On se replongera dans cet incroyable roman historique qu'est Les Trois Mousquetaires, qui a défini pour des générations ce qu'est un roman de cap et d'épée. On parlera aussi des nombreuses adaptations des Trois Mousquetaires, sous des formes parfois très surprenantes. Bref, aujourd'hui, on va essayer de vous redonner envie de lire Alexandre Dumas. Je trouve assez plaisant de nous retrouver à la même heure, au même endroit, et pour la même raison, sans nous être donné rendez-vous. Au fait, contre qui te bats-tu ? Contre un buteur de Gascon. Et toi ? Le mien est un mulet du Béarn. Coïncidence, le mien aussi. Pardieu ! Voilà le mien. Non, pardon, le mien. Alors disons le nôtre. Trois duels à la même heure, monsieur. C'est une plaisanterie. Sans doute la dernière. Faudra-t-il que nous nous battions pour nous disputer l'honneur et le plaisir de vous tuer ? L'honneur sera pour moi, messieurs. Mais respectons, si vous le voulez bien, l'ordre d'entrée en scène. Monsieur Athos a le droit de me tuer le premier. Ce qui limite votre créance, monsieur Porthos. Et rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. À moins que je ne vous tue tous les trois, ce qui ne m'étonnerait guère. Gasconade. C'était un extrait des Trois Mousquetaires d'André Hunebelle, sorti en 1953 sur un scénario de Michel Audiard. Alors, première question, et là je me tourne vers Mathieu Letourneau, qui était Alexandre Dumas ? Vaste question. Alexandre Dumas, ça fait partie de ces auteurs dont il n'est pas besoin de rappeler qui il était, parce que, d'abord, présenter l'ensemble de l'œuvre d'Alexandre Dumas, sa personnalité, sa créativité, il faut des heures, et je suppose que nous n'en disposons pas. Non, malheureusement. Et donc, qui était Alexandre Dumas ? C'était en effet un des plus grands dramaturges du XIXe siècle, un des plus grands romanciers du XIXe siècle, un des auteurs, une des plus grandes célébrités du XIXe siècle, et dans la présentation qu'il fait de lui-même, il n'est pas loin du tout de la vérité. Peut-être a-t-il oublié Eugène Sue, qui était aussi une des grandes figures de l'époque, un peu oubliée. Oui, moi j'ai pas osé le reprendre, parce que voilà, il est quand même assez inscrit dans l'histoire, mais je voulais le dire, et mais bon, c'est Alexandre Dumas, donc au bout d'un moment, c'est son émission, je pouvais pas... Mais non, mais donc, voilà, qui est Alexandre Dumas ? Bah, tout le monde sait que c'est l'auteur des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo, de la Reine Margot, d'œuvres que tout le monde connaît, et que tout le monde n'a pas lu, mais que beaucoup de monde a lu, et je pense que c'est encore aujourd'hui un des écrivains français les plus lus dans le monde. Et alors, il y avait, comme vous l'avez dit, il avait une faculté à écrire, mais qui est incroyable. La production d'Alexandre Dumas, il écrit des récits de voyage, des pièces de théâtre. Enfin, ça, c'est de la folie. Ah, mais c'est inouï. C'est-à-dire que l'année où il écrit Les Trois Mousquetaires, il écrit Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot, la même année. En 44, enfin, il termine pas les deux autres, mais il les écrit en même temps. C'est-à-dire que, il n'y a pas d'exemple équivalent d'une telle productivité. Et en fait, il écrit la plupart de ses grandes œuvres en 6-7 ans. C'est quelque chose d'inouï. Et c'est pas, enfin, quand on voit la taille, la dimension des œuvres d'Alexandre Dumas, ça, c'est une chose qui n'existe plus aujourd'hui. Les écrivains du 19e siècle écrivent à une vitesse et avec une virtuosité que plus personne ne peut atteindre. Il faut dire que quand on regarde pas Netflix, on a du temps pour faire d'autres choses. Hein. Élodie Murzy, comment s'est passée votre rencontre avec Alexandre Dumas ? Vous êtes libraire, j'imagine que vous avez accès à des tonnes d'auteurs. Qu'est-ce qui distingue Alexandre Dumas des autres ? Ben, moi, ma rencontre avec Alexandre Dumas, j'étais assez jeune, hein, j'étais adolescente, et je me suis plongée dans Les Trois Mousquetaires. J'ai dévoré 20 ans après, j'ai dévoré Le Vicomte de Bragelonne pour pas m'arrêter là. Donc ouais, c'était vraiment vraiment cette lecture d'adolescence, d'évasion, d'émerveillement. J'ai toujours été aussi beaucoup attirée par l'histoire. Donc voilà, avec toutes ces histoires, ces intrigues. Et je veillais très tard la nuit dans mon lit, sous ma couette, pour absolument finir Les Trois Mousquetaires, et puis à l'image de tous les romans de Dumas. Et Mathieu citait tout à l'heure, et Jeune Sous, Les Mystères de Paris. J'ai très vite enchaîné avec Les Mystères de Paris, parce que voilà, on peut pas s'arrêter, il y a un suspect, et ça m'a appris à lire, mais la lecture, c'est important aussi pour moi, pour grandir, pour m'évader et pour me construire aussi quelque part. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai aussi choisi de devenir libraire, pour partager toute cette culture populaire et ce plaisir de la lecture et de l'aventure. Luce Roudier, dans l'œuvre de Dumas, il y a aussi cet art consommé de captiver le lecteur immédiatement. Et en préparant cette émission, je relisais Les Trois Mousquetaires, et c'est vrai que dès les premières pages, on est embarqué, on a envie de suivre comme ça les pérégrinations de D'Artagnan. Et c'est quand même assez fascinant de choper comme ça ce qu'attendent et ce que veulent les lecteurs. Oui, c'est à la fois un des aspects très caractéristiques de l'écriture de Dumas, mais aussi un des aspects très caractéristiques du cadre dans lequel il écrit, qui est celui du roman feuilleton. C'est-à-dire que vous avez quelques paragraphes pour convaincre votre lecteur que oui, il va se laisser aspirer dans cette histoire, et donc s'abonner au journal, ou acheter le prochain numéro, ou louer le prochain numéro, et que donc, oui, vous l'embarquez avec vous très très rapidement, et qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il faut aussi avoir cette efficacité de l'écriture que Dumas maîtrise à la perfection, mais qu'on trouve, pour reciter Sue, il y en aurait d'autres qu'on trouve chez d'autres auteurs de son époque et du 19e qui ont donné dans le feuilleton aussi. Et alors c'était un homme qui, en marge de ses œuvres, était très très bon vivant, il aimait bien le faste, il aimait bien sortir, rencontrer des gens, et certains ont expliqué que sa production était justement due à son train de vie. C'est-à-dire que comme il dépensait beaucoup d'argent et qu'il était endetté la majeure partie du temps, il avait besoin de travailler beaucoup et très vite pour rembourser ses dettes. Oui, c'est tout à fait vrai. Mathieu Le Tourne. Oui, pardon. C'est une caractéristique de Dumas. C'est pas le seul. Hein. Dans le fond, beaucoup d'auteurs courent après l'argent au 19e siècle, mais c'est quand même celui qui le fait de la façon la plus démesurée. Et il y a des analyses qui présentent justement cette personnalité de Dumas. Vous avez évoqué le métissage. Et il y a des analyses qui présentent cette générosité, cette manière de s'inscrire dans une présentation fastueuse comme une façon de trouver sa place dans une société où les métis avaient peu de place. Parce que Dumas a eu beaucoup à souffrir d'un racisme latent. C'est pas la plus grande période raciste de la France qui interviendra plus tard, hein, au moment du colonialisme, mais c'est quelqu'un qui a adopté une posture qui était une façon de dialoguer avec un esprit du temps. Je revenais dessus parce que je pense que c'est une chose dont on prend pas la mesure. C'est quelqu'un qui a toujours été dans une présentation de soi, à la fois dans ses textes et dans son attitude dans la société, qui était aussi une réponse à quelques propos à son égard qui étaient assez terribles. Alors on va continuer notre exploration de l'univers de Dumas père, hein, parce que il y a eu Dumas fils ensuite, mais pour le moment on écoute Harry Nilsson avec One. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One the loneliest number, much, much worse than two. One is a number divided by two. C'était One d'Harry Nilsson. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et on parle des Trois Mousquetaires avec le professeur de littérature Mathieu Letourneau, la doctorante Luce Roudier et la libraire Élodie Murzy. Cette affaire peut présenter pour vous d'énormes avantages, Milady. Je vous écoute, monsieur le cardinal. Un bateau. N'est-il pas indiscret d'écouter ce qui se dit à l'étage supérieur ? Mais vous sinon, quel nom ? Depuis Jeanne d'Arc, il est admis d'écouter les voix d'en haut lorsqu'elles se manifestent. Eh bien, si Dieu le veut. A-t-il quelque chose à vous refuser ? Et si mes renseignements sont exacts ? Et ils le sont toujours. N'exagérons rien, je ne suis pas encore infaillible. Mais je crois savoir que Milord doit donner un bal ces jours-ci. Soyez-y invités. Milord possède dans un coffret d'argent 12 ferrets de diamants. J'aimerais que vous lui en empruntiez 2. Un vol ? Oh, le mot est choquant. Non, disons plutôt... de la restitution dirigée. Votre compréhension fait ma joie. Ne suis-je pas votre homme de confiance ? Hélas, je suis aussi une femme de tête. À ce titre, j'aimerais savoir ma récompense. Mais ma chère enfant... Je parle de ma récompense terrestre. Avez-vous jamais eu à vous plaindre de ma reconnaissance ? Et vous, de ma fidélité ? Une femme fidèle n'a pas de prix. Je laisse donc, à votre éminence, le soin de l'estimer à sa vraie valeur. 01 56 40 30 20, le numéro de téléphone qui va vous permettre de laisser une trace. Car un message sur le répondeur de Blockbuster, c'est la garantie d'entrer dans l'histoire de la radio via Lina. Voilà, j'aime bien m'amuser des fois comme ça pour mon émission. Alors, on parle d'Alexandre Dumas, mais certaines œuvres de Dumas ont été contestées en termes de paternité. Mathieu Letourneau. Oui, bah il y a eu le problème de la manière de travailler de Dumas, c'est-à-dire. C'est justement cette manière, c'est là-dessus que j'aimerais aller. Comment travaillait-il ? Alors, ça dépend. Au début, il travaille comme travaillent les auteurs du 19e siècle, il travaille seul. Et puis quand il se met roman feuilleton, il se met à travailler en collaboration avec toute une série de collaborateurs, dont le plus connu est Auguste Maquet. Et puis, ça va faire un scandale. Ça va faire un scandale et un scandale. Qui va donner lieu à toute une série de pamphlets contre Dumas, précisément parce que on va parler d'une fabrique de romans, d'une industrie du roman. Et dans le fond, à ce moment-là, le débat autour de Dumas, c'est le débat sur les industries culturelles ou la grande littérature, en un sens. Et Dumas va devenir la figure de l'ennemi. Et il va avoir quelqu'un qui va l'attaquer directement sur cette question des collaborateurs, donc des nègres, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les nègres. C'est Eugène de Mirecourt qui va écrire un pamphlet épouvantable sur Alexandre Dumas, qui s'appelle « Fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et compagnie », où il explique, en des termes qui sont absolument abjects, la manière dont Dumas travaille. Je cite un passage, il parle des auteurs qui collaborent avec Dumas. Aujourd'hui, des collaborateurs, il y en a partout hein, dans les industries créatives. « Il se ravale à la condition de nègre, travaillant sous le fouet d'un mulâtre. » Ce qu'on ne voit pas, c'est que si le mot nègre s'est cristallisé au 19e siècle autour de la figure d'Alexandre Dumas, c'est tout simplement parce que dans l'attaque contre cet auteur majeur de la littérature, il y a aussi... Une part de racisme. Une part de racisme. Mmh. Et par exemple, vous parliez de la générosité de Dumas. Que dit encore Jeanne de Mirecourt, pour revenir sur ce qu'on disait ? Donc comment parle-t-il de cette manière de travailler très vite ou d'être très généreux ? Il parle d'un abîme de gloutonnerie. Et le motif de la gloutonnerie renvoie encore à un imaginaire raciste. Donc, pour dire les choses, à ce moment-là, au moment où la littérature française doit se détacher de la presse, des médias, de la consommation, on va prendre pour cible une figure clé, Alexandre Dumas, qui est l'auteur qui a le plus de succès avec Eugène Sue, mais le succès d'Eugène Sue baisse très vite, et qui est donc l'auteur à succès, qui est généreux, plaisant, drôle, une célébrité mondaine, etc. Et on va l'attaquer directement et d'une façon absolument répugnante. Et alors ce système de travail, moi m'a rappelé, et j'ai fait un parallèle en préparant l'émission, celui de Stan Lee, des maisons d'édition Marvel, à qui on a reproché exactement la même chose, c'est-à-dire qui lui aussi est très prolifique, a créé tous ses super-héros, mais travaille toujours sur la base de collaboration, et donc on lui a contesté la paternité de beaucoup de ses super-héros, parce que on lui reprochait exactement la même chose que Dumas, mais c'est aussi ce qui explique la prolifération et la richesse de son œuvre, en fait, ses collaborations comme ça à deux. Oui, on peut dire en un sens que Alexandre Dumas ouvre une séquence que des figures comme Stan Lee ferment. C'est-à-dire que Dumas, il y a cet interdit de la collaboration pour le grand auteur. On fait comme si les auteurs travaillaient tout seuls, y compris les cinéastes, ce qui n'a aucun sens. Hein. Et puis avec Stan Lee, on se rend compte qu'en fait, un créateur peut travailler en équipe, avoir des auteurs qui reprennent la main, on peut revendre un personnage, etc. Ça ne pose problème à personne. Et aujourd'hui, donc, l'idée que Stan Lee est un grand auteur fait que Alexandre Dumas revient aussi comme une des grandes figures. Aujourd'hui, plus personne n'attaquerait l'idée qu'Alexandre Dumas est un des plus grands auteurs français. C'est pour ça que c'est très intéressant de le prendre, en effet, dans une émission comme Blockbuster, parce que il est vraiment la source de cette manière d'écrire. Oui, parce que il y a une sorte de genèse de la pop culture dans l'œuvre de Dumas. Et d'ailleurs, Élodie Murzy, c'est vrai que même dans l'écriture des Trois Mousquetaires, pour parler que seulement de ce roman, il y a quelque chose d'extrêmement caractérisé, avec des archétypes très très forts, Athos, Porthos, Aramis, Milady, c'est quasiment une super super vilaine avant l'heure. Ouais, tout à fait, mais très chouette de parler de Milady, parce qu'effectivement, moi, la première fois que je découvre les Trois Mousquetaires et le personnage de Milady, gamine, je me suis tout à fait identifiée à ce personnage, qui est absolument fabuleux, qui est forte, intrigante, c'est une des premières espionnes aussi, et donc encore une fois ça j'avais envie de la suivre, et puis il en fait un personnage encore féminin très forte, et qui est pas forcément collé au foyer, qui réfléchit, qui pense, qui intrigue, mais qui est blessé aussi, et c'est ça aussi qui est intéressant aussi dans son personnage, parce que tous ces personnages ont aussi une histoire secrète, une histoire intime qui nous est dévoilée au fur et à mesure. Et ce personnage féminin qui peut paraître un petit peu peut-être antipathique, l'est pas forcément. Donc. Et d'ailleurs, on sait qu'Alexandre Dumas était quelqu'un qui avait beaucoup de maîtresses, qui aimait bien courtiser. Et dans la manière qu'il a de dépeindre les couples dits mariés, on sent aussi ce profond, je vais pas dire mépris, mais un peu dédain pour les situations installées. C'est-à-dire qu'il a bien compris que les gens qui étaient mariés à cette époque n'étaient pas forcément des gens qui s'aimaient. Et c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a le mariage de raison, et puis il y a les sentiments qui peuvent se passer hors du couple, Luce Roudier. Mais c'est-à-dire que on se limite à nouveau aux Trois Mousquetaires, les deux figures féminines principales des Trois Mousquetaires, si on accepte Anne d'Autriche qui est un peu à part, c'est Milady versus Constance Bonacieux. Et effectivement, quand on les met les deux dans la balance, il y en a une qui est beaucoup plus intéressante que l'autre, qui fait beaucoup plus envie que l'autre, et à laquelle, quand on est petite fille, on a peut-être plus envie de ressembler qu'à l'autre. Et clairement, le modèle, c'était pas Constance Bonacieux. Mais même la reine, on la voit un petit peu moins, mais il y a quand même une indépendance de pensée qui est déjà assez assumée dans les Trois. Il y a une prise de risque et une façon d'assumer la prise de risque. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, quand D'Artagnan ne revient pas avec les ferrets, il n'arrive pas. Et elle se résigne, elle dit mais tant pis, s'il n'arrive pas, j'irai au bal quand même sans les ferrets. Et le scandale éclatera, advienne que pourra, mais j'assume jusqu'au dernier moment. Il n'est pas question pour elle de fuir, de prétexter qu'elle n'ira pas au bal. Et elle a cette espèce de force qui en fait un personnage qui est très sympathique. Et Mathieu Letourneux, on dit d'Alexandre Dumas qu'il a quand même été inspiré et influencé par le portrait de son père, le général Dumas. En quoi on le retrouve dans son œuvre ? C'est le père d'Alexandre Dumas, donc a été un général. Il a servi sous la Révolution, il a servi sous le Consulat. Il a été un héros, un véritable héros. Il a toute une série de faits de gloire. Et il est certain que dans le goût de Dumas, pour l'esprit chevaleresque, pour la figure héroïque, pour le personnage prométhéen qui se révolte, etc., il y a un hommage permanent, ou en tout cas un retour permanent sur la figure du père. Et puis, il y a chez Dumas un amour des figures qui font l'histoire, de ces personnages qui seuls prennent un bâtiment de l'armée, etc., ou retournent l'histoire. Luce Roudier prenait l'exemple des Ferré, mais c'est complètement fou quand on y pense. On lit Les Trois Mousquetaires en tremblant pour la reine, alors qu'à l'époque, tout le monde sait que ça va bien finir, puisqu'on connaît suffisamment l'histoire. Mais on est tellement pris par cette dynamique du récit que ça fonctionne. Oui, donc l'hommage au père, il est absolument... Il guide ce qui va faire un des traits très puissants de l'écriture de Dumas, et encore une fois de ce récit romanesque qui va dominer la littérature populaire et le cinéma populaire, c'est le goût pour les grandes figures de héros, avec ce qu'on va appeler le panache, qui est un des traits du héros de KPDP. Alors on arrive à la virgule musicale qui rythme la grande phrase de cette émission, et on écoute Clou qui nous interprète comme au cinéma. Les Trois Mousquetaires étaient en réalité quatre. Je suis tout seul, mais en fait, on est cinq. Céline, Milady, Hila réalise cette émission. Sarah, Athos Masson et Jeanne Aramis Paravert la préparent. Tom Plancher Malky nous file un coup de main. Et Rémi Portos Sistiaga à la technique. Tant pis si c'est faux, moi je veux jouer. Le cœur battant, la gorge nouée. Sauvage, le texte inventé, abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain, avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario. Tant pis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur raté. Et sans maquillage, j'ai en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma. Si c'est mauvais, je couperai la fin. C'était Clou, comme au cinéma. Vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. Avec Frédéric Sigrist. Élodie Murzy, est-ce qu'il y a un style d'écriture d'Alexandre Dumas? Oui, alors un style, oui, enfin, si on peut qualifier, effectivement, on parlait du roman feuilleton, donc c'est un style à la fois très fluide, très rapide, très aventureux, donc après, oui, moi je resterai sur le style du roman feuilleton, et puis moi en tant que libraire, effectivement, je vais le conseiller comme un roman d'aventure, comme un roman de KPTP, comme le roman en tout cas Les Trois Mousquetaires ou d'autres qu'on peut savourer l'été. D'ailleurs, Dumas dans ma librairie chez ICI sur les grands boulevards, c'était on l'a mis en lecture dans nos propositions de lecture d'été qu'on fait chaque année. Donc ouais, c'est un indispensable, et c'est aussi ce style-là de pouvoir s'évader et de encore une fois, ouais, aventureux. Alors, Les Trois Mousquetaires ont été une source inépuisable d'adaptations, mais certaines d'entre elles, bah, il y en a qui n'aiment pas. Je ne résumerai pas, je vous le dis très sincèrement, Les Trois Mousquetaires en 3D, version Paul Anderson, pour la simple et bonne raison que j'ai quitté, c'est rare, la salle au bout de 30 minutes à peu près, considérant que la vie est trop courte pour supporter certaines daubes. Je ne savais pas que j'avais failli te bousculer dans la sortie de secours, parce que moi, je suis parti au bout d'une heure. Moi, c'est un peu l'histoire d'une déception, parce que quand je voyais la bande-annonce, mais je jubilais à l'avant, j'étais mais fou de joie, je voulais absolument voir Les Trois Mousquetaires versus Paul W. Anderson. J'ai trouvé ça mais lamentable. Sérieux, toi aussi? Oui, oui. Au bout de quelques minutes, on regarde plus vraiment. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelait du chewing-gum pour les yeux dans les années 70. Des armes de destruction massive au XVIIe siècle. Athos qui fait le ninja dans le Grand Canal de Venise. Bon. Ces Trois Mousquetaires, on nous en fait un boys band là-dedans. Il y a trois crétins. Et alors, point d'orgue de cette promesse non tenue, hélas, des bateaux qui volent. On ne sent pas du tout l'amitié, la santé, la vie. Ils sont là, à côté, ils jouent tous comme des tringles à rideau. Alors moi, je suis désolé, c'est rigolo, mais c'est pas le nanar assumé, totalement débridé, c'est auquel un nanar riche. Je m'attendais. Le film est tellement raté et inutile que on se dit en sortant, mais le bouquin dont ça s'inspire doit être nul. J'aime pas. Alors c'était évidemment à propos du film de Paul W. Anderson, qui avait déjà commis Resident Evil et tout ça, et qui connaît l'œuvre de ce réalisateur, sait que finalement tout ça n'est pas très étonnant. Mais néanmoins, ça me permet de rebondir sur toutes ces adaptations qui ont eu lieu à la fois au cinéma ou à la télévision, mais également aussi en littérature, parce que énormément d'autres auteurs se sont emparés des personnages de Dumas pour leur faire poursuivre des aventures et y mettre un petit peu leurs pattes, Luce. Oui, en littérature et ailleurs aussi, hein, puisque juste pour la petite anecdote, Dumas, je pense qu'il a vraiment été adapté sur tous les supports et de toutes les façons inimaginable. Il y a même un ballet de danse classique, Les Trois Mousquetaires. Enfin voilà, on a vraiment, je pense, épuisé toute la palette des possibles avec Dumas. Et effectivement, en littérature, il y a beaucoup de continuateurs de Dumas de deux manières, c'est-à-dire des auteurs qui s'emparent de la manne du roman historique pour créer d'autres personnages, d'autres aventures. Comme ça a été fait pour Sherlock Holmes, comme notamment. Ça a été fait, voilà. Et puis d'autres qui vont, mais toujours comme pour Sherlock Holmes d'ailleurs, reprendre les personnages pour essayer de leur faire des suites. Lagardère de Féval a connu la même chose. Il y a eu des continuateurs de Lagardère qui valent ce qu'ils valent. Hein. C'est pas forcément des mauvais romans, mais c'est vrai que nous, on les aborde avec cette vision de l'œuvre très sacralisée qui appartient à un auteur, et on a du mal à comprendre. Et aujourd'hui, je pense que ça serait impossible. Je veux dire, si quelqu'un se disait « je vais écrire la suite d'Harry Potter », je pense que, ne serait-ce que légalement, ça serait absolument impensable. Oh, encore deux, trois déclarations de J.K. Rowling, et je pense que les fans eux-mêmes demanderont... Oui, elle n'est pas loin, oui, c'est oui, vrai. Dire, non, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre écrive. Et Mathieu Letourneau, comment on explique l'engouement autour de cette œuvre, et surtout qu'elle ait donné la possibilité à certains autres auteurs de se dire « Ok, je peux prendre cet univers et je peux le faire mien. » Alors là, il y a une réponse très simple. Alexandre Dumas a autorisé des écrivains à écrire des suites. Il y a Le Filleul d'Aramis, Le Fils de Porthos par Paul Mahalyn. Alors c'est un peu oublié aujourd'hui, il faut bien le dire, mais Alexandre Dumas, qui était un ami de Paul Mahalyn, qui écrivait dans un journal qu'Alexandre Dumas tenait, etc., lui a dit « bah oui, amuse-toi ». Et donc vous avez les aventures du fils de Porthos, Le Filleul d'Aramis, et donc immédiatement d'autres ont imité. Pendant longtemps, aux États-Unis, The Son of Porthos était publié sous le nom d'Alexandre Dumas. Donc les gens achetaient la quatrième partie de la trilogie des Trois Mousquetaires, qui était en fait un apocryphe que Dumas avait laissé circuler. Et donc vous avez Paul Féval fils, le fils justement du grand Paul Féval, auteur de KPDP, qui a écrit D'Artagnan contre Cyrano. Donc vous avez... c'est formidable. Alors là, d'un seul coup, vous avez les deux grandes figures de récit de KPDP. Il y a King Kong contre Godzilla qui doit sortir dans pas longtemps, mais en fait, ils n'ont rien inventé. C'est le même genre de crossover. C'est ça. C'est... Et donc voilà... Il y a eu cette prolifération, mais pourquoi est-ce que Dumas a tenu un tel rôle? Parce que, un, il invente le roman historique moderne, deux, il permet au roman historique moderne d'être une véritable forme populaire, avec justement l'exploitation du feuilleton, du suspense, une science du suspense qui est chez lui sans égale. La force de Dumas, c'est quelqu'un qui sait utiliser le suspense, mais qui sait surtout s'amuser avec ses lecteurs. Il passe son temps à jouer avec son lecteur, et il le fait avec une habileté qui ressemble vraiment aux stratégies des spin doctor de séries télévisées. C'est-à-dire que il fait un clin d'œil à son lecteur. La scène de nuit de D'Artagnan avec Milady, où D'Artagnan se fait passer pour quelqu'un d'autre, pour coucher avec Milady, et où à chaque fois, Alexandre Dumas dissimule ou passe le moment que le lecteur attend, c'est-à-dire le moment où il passe à l'acte, et où à chaque fois il raconte après, est éblouissante comme stratégie. Donc c'est quelqu'un qui sait rendre l'écriture, produire du plaisir, du suspense, etc. Donc il a eu énormément de succès. Il a inventé un imaginaire qui va être l'imaginaire du récit de KPDP, et donc il va être imité littéralement par tout le monde, en France, mais aussi en Grande-Bretagne, très vite, en Italie, en Espagne, vous avez des faux Alexandre Dumas, ou alors des choses qui ressemblent très fort. Et alors là, on parle vraiment de la littérature et donc des différentes itérations qui sont apparues en version papier. Mais ensuite, le cinéma lui-même s'est emparé de tout ça, les dessins animés. Et est-ce que y a une version filmée qui a trouvé grâce à vos yeux où vous vous êtes dit « Ah bah tiens, ils ont réussi à retrouver ce que j'arrivais à ressentir en lisant Dumas ». Je vous pose la question à vous trois. Ouais, moi je suis pas... Alors Moi, il y a une version sur laquelle je suis pas objective parce que c'est celle de quand j'étais enfant, c'est celle de Gérard Barret. Et je pense que pour moi, même si j'ai lu le livre après avoir vu ces deux films-là, puisque c'est en deux époques, et pour moi, ça reste, enfin, D'Artagnan aura à jamais les traits de Gérard Barret, même si je reconnais que c'est une adaptation qui a ses défauts. Mais pour moi, c'est celle-là qui a mon cœur. D'accord. Mathieu Letourneau? Ah bah pour moi, c'est beaucoup plus simple. En fait, quand on regarde les adaptations, on se rend compte... Moi, je les aime toutes. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle génération fabrique son Trois Mousquetaires. C'est-à-dire que ça devient du théâtre au moment où le théâtre devient un théâtre à machines. Georges Méliès fait son Trois Mousquetaires. Vous avez des films à épisodes dans les années 20, au moment du muet, quand c'est la mode des films à épisodes. Et puis, on se moque d'Anderson et des Trois Mousquetaires en 3D. Mais c'est quand on y pense... Mais ça correspond pile poil à l'époque. La 3D se développe, on fait un Trois Mousquetaires. Les dessins animés pour enfants se développent, on fait Albert et les Trois Mousquetaires. Donc en fait, ce qu'il faut, il faut tous les aimer, parce qu'en fait, la question de la fidélité à Dumas, elle n'est pas dans est-ce qu'on respecte que ça se passe à tel moment, ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait des bateaux volants. Alors Albert, c'était pas un dessin animé. C'était pas un dessin animé. Albert le cinquième mousquetaire, 1996. Oui, non, mais c'était pas le dessin animé avec les chiens. Les chiens, voilà. Voilà. C'est, oui. Et en fait, parce que c'était bien que vous parliez du dessin animé avec les chiens, parce que là, tout de suite, je vais passer l'extrait. Ah, excusez-moi. Voilà, c'est juste pour ça, comme ça, on reste raccord. On est comme des frères. C'était le générique du dessin animé Les Trois Mousquetaires, sorti en 1981, où les personnages étaient des chiens. Voilà. Donc effectivement, ils ont tout subi. Hein, y a notamment, on en parlait pendant l'extrait, il y a eu Barbie et Les Trois Mousquetaires en 3D. Mais il y a également eu Les Trois Mousquetaires avec Mickey, Donald et Dingo, je crois. Donc vraiment, ils sont multiples. Mais il y a même eu des jeux vidéo où les trois mousquetaires ne servent que de prétexte à donner un habillage. Il y a un jeu vidéo qui doit s'appeler, je crois, Les Trois Mousquetaires, tout bêtement, mais qui est juste un jeu de plateforme où, en fait, votre personnage passe des niveaux où il s'agit de gérer des plateformes qui bougent, des trous, des bestioles qui arrivent sur vous, etc. Le jeu de plateforme le plus classique du monde. Mais juste, l'habillage, c'est Les Trois Mousquetaires. Et il n'y a aucune intrigue qui le justifie, mais juste, ça sert de déclencheur d'achat, je pense. Et alors, de manière un peu chauvine, ces personnages ont été énormément repris par des studios japonais, par des studios hollywoodiens. Mais on a l'impression, depuis quelques années, que la France et les studios de cinéma ou de production français délaissent la possibilité de faire des longs-métrages autour des Trois Mousquetaires, alors que c'est un peu nos super-héros à nous. Qu'en pensez-vous, Luce? C'est un peu nos super-héros à nous. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une droite ligne entre les héros, les surhommes du 19e et puis les super-héros du 20e, 21e, ça c'est sûr. Quant à dire que le cinéma français les délaisse, moi je pense qu'il y a peut-être eu un phénomène de lassitude autour du KPDP en général, et pas que de Dumas et des Trois Mousquetaires, mais je pense que c'est un genre qui a eu là, pendant quelques décennies, l'image de quelque chose de très vieillot et poussiéreux, et qui peut-être va changer, hein, espérons. Je pense que peut-être il va suivre la même évolution que le western qui revient un petit peu. Parce que ce qui est intéressant dans la construction de ces archétypes, et ça c'est vraiment dans l'écriture de Dumas, c'est que ces héros ont tous des défauts. C'est-à-dire que ça soit Porthos, que ce soit Athos ou même D'Artagnan, ils sont prompts à la colère. Et je pense que c'est aussi ce qui singularise particulièrement la conception du héros à la française. Mmh. De la même manière qu'Astérix et Obélix, c'est le petit colérique et puis le gros un peu simple. Il y a cette dimension de défaut qu'on assume beaucoup plus que dans d'autres héros plus lisses. Et c'est pour ça que je me suis interrogé là-dessus en préparant. Je me suis dit, pourquoi en fait on s'est arrêté de faire ces héros perfectibles, mais de les mettre en scène? Qu'en pensez-vous? Oui, moi, enfin, vous parlez de défauts, mais moi, je parlerai pas de défauts, je parlerai d'humanité. D'humanité, et puis de vérité, en fait. C'est vrai. Et c'est aussi le charme du roman populaire, de parler du peuple, de parler de la vérité, de parler. Et c'est en cela que, cette humanité est révélée aussi à tout le monde. Et puis en opposant, effectivement, alors Trois Mousquetaires, c'est un peu différent parce qu'on est à la cour, on est avec les mousquetaires, les soldats de la cour, mais voilà, c'est aussi des personnages qui viennent du peuple, et D'Artagnan, le Gascon, qui débarque de Saint-Provence pour venir à Paris. Enfin, voilà, c'est aussi exactement. Donc il y a aussi ce contraste là entre la capitale et le reste de la France, et pour Dumas et pour cette littérature populaire, voilà, c'est aussi de mettre en évidence les gens, le peuple. Et Élodie Murzy, justement, là, en vous écoutant parler du peuple, ça me fait penser qu'il y a un personnage central dont on n'a pas encore parlé, qui est Richelieu, qui est quand même une figure religieuse. Retorse, intelligente, manipulatrice. Il y a quand même une figure du méchant qui manipule dans l'ombre et qui ne se salit pas les mains, qui est très très forte chez Dumas et qui apparaît dans son travail. En fait, vous disiez les Trois Mousquetaires, c'est l'esprit du personnage français. Quand on y réfléchit, Alexandre Dumas, pourquoi est-ce qu'il écrit Les Trois Mousquetaires? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une menace contre le pouvoir royal par une figure, en effet, religieuse, et quatre personnages qui viennent, en effet, de toute la France, et qui vont lutter et qui vont permettre au pouvoir central, celui qui sera dans 20 ans après celui de Louis XIV, puis dans le Vicomte de Bragelonne, le triomphe du Roi Soleil. En fait, ce qu'il raconte, c'est le moment où il y a la France qui se construit. Et donc, c'est un roman national, Les Trois Mousquetaires. Donc, l'amitié des personnages, l'amitié des Trois Mousquetaires, de ces quatre personnages, c'est la construction de cette France républicaine à terme qui va triompher, puisque le roman historique d'Alexandre Dumas, c'est le roman de l'avancée historique de la France vers la France républicaine. Et donc c'est pour ça qu'ils sont complémentaires, c'est pour ça qu'ils se retrouvent de Louis XIII à Louis XIV, c'est pour ça qu'ils acceptent le pouvoir de Louis XIV, parce que ce que raconte Alexandre Dumas, d'abord dans la série de la Reine Margot, puis dans Les Trois Mousquetaires, puis dans Les Mémoires d'un médecin, celui qui se passe pendant la Révolution française, eh bien c'est l'arrivée vers la France républicaine. Et donc les personnages auxquels on s'attache, c'est aussi ce récit d'une collectivité. Et lui-même était pour la Révolution, je crois, Alexandre Dumas, même si ça a joué contre lui ensuite, mais il a été un des fervents partisans de cette Révolution. Ah oui, oui, il s'est présenté après 1848, il voulait être représentant du peuple, il a été battu, il s'est opposé à Napoléon III, enfin à celui qui s'appelait encore Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, oui, il était républicain. Alors, c'était pas un enragé, hein. Modéré, mais il était républicain. Et puis, il a terminé sa vie avec des dettes énormes. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est pas oui, ça. C'était, c'était, oui, ça n'a rien à voir. Oui, ça c'était son train de vie. Mais du coup, il y a eu quand même cette fin de vie où il a été obligé de vendre le théâtre qu'il avait fait construire, une résidence. En fait, c'est vraiment à la suite de la Révolution de 1848 où quand il monte un énorme théâtre en 1847, et puis l'année suivante, il y a la Révolution, les journaux vendent plus, donc il peut plus vendre de romans feuilletons, et il a des dettes. Il a des dettes parce qu'il vit en dépensant plus qu'il ne gagne, mais il peut le faire puisqu'il peut s'endetter. Et d'un seul coup, il peut plus s'endetter. Et donc, il va jouer les républicains menacés au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, s'exiler, mais en réalité pour fuir ses créanciers, ça c'est certain. Dans quelques instants, on va jouer, mais avant cela, on écoute The Rolling Stones avec Living in a Ghost Town. C'était les Stones avec Living in a Ghost Town. Mais maintenant, on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu, mes amis. Je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, c'est difficile à dire finalement aujourd'hui, on s'en rend pas compte, hein. On a Julien au téléphone. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Est-ce que vous avez lu Les Trois Mousquetaires ? Ouh là là, oui, ça a été une grande, grande partie de mon adolescence, Les Trois Mousquetaires. 20 ans après, Vicomte de Bragelonne, j'étais lecteur de tout ça, au siècle dernier par contre. Et est-ce que vous avez transmis cette passion autour de vous ? Alors, mes enfants sont encore un peu petits pour lire les Trois Mousquetaires, mais en tout cas, j'y compte bien. D'accord. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu ? Je crois. Je pose une question, vous avez 20 secondes chrono pour y répondre, et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez demander à un des invités, on appelle ça un joker autour de la table, de répondre à votre place. Ok. Première question. Comment s'appelle le protagoniste du conte de Monte Cristo ? Je l'ai plus. Je vais prendre un joker. Je suis désolé, je l'ai plus. Alors, vous avez le choix. Mathieu Le Tourneau, Luce Roudier. Oui, je vais prendre Mathieu Le Tourneau. Le Tourneau. Alors, on y va. Mathieu. Alors, il me semble que c'est Edmond Dantès. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Question suivante. En quelle année a été publiée la pièce Ivan Noé ? 1822 ? 1844 ? Ou 1974. Est-ce que vous pouvez répéter les dates ? 1822, 1844 ou 1974. Alors, bah clairement pas 1974. J'aurais dit en 44 peut-être. Vous êtes sûr ? Peut-être plutôt en 22 alors. Attendez, alors on fait encore appel à un joker ? J'avoue. J'ai honte de moi, mais oui. Luce Roudier ou Mathieu Le Tourneau ou je vous écoute. Élodie Murzy. Hop. La réponse, alors, c'est 1822, 1844 ou 1974. 1974. Évidemment. Bon, dernière question, faut vous rattraper là. Hein. Quel est le nom de la série dont vous allez entendre le générique ? Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Alors, Julien ? C'est dur, je dirais Albert le cinquième mousquetaire. Eh bien voilà ! L'important dans la vie, c'est de jamais désespérer. Eh bien écoutez, vous avez quand même gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Ben merci beaucoup et surtout merci au joker, merci à vos invités. Merci. Ils sont là pour ça, ils sont ravis. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Luce Roudier, je crois que vous vouliez revenir sur la figure de Richelieu. Oui, parce qu'on l'a passé à la trappe tout à l'heure, le pauvre, je crois qu'il mérite mieux, parce qu'effectivement, comme vous disiez, c'est un personnage sans lequel les Trois Mousquetaires n'auraient pas du tout la même physionomie. Et je pense que beaucoup d'autres romans n'auraient pas la même physionomie non plus. Effectivement, il fait figure de super méchant. Il fonctionne très bien dans le couple avec Milady, cette espèce de super méchante dont on a déjà parlé. Mais je crois qu'il a quelque chose de particulièrement inquiétant dans sa stature et dans le fait notamment qu'il soit religieux, c'est-à-dire que ça introduit une autre dimension qui a été exploitée par la suite. Il y a d'autres romanciers qui ont repris cette figure et qui en ont fait parfois un outil de conviction. Je pense à Michel Zévaco, par exemple, qui écrit un roman qui s'appelle L'Héroïne, et dans lequel Richelieu, c'est le Richelieu de juste avant l'affaire des Ferrets. Et pour Zévaco, qui est très anticlérical, vraiment, c'est du pain béni d'avoir ce personnage. Mais déjà, chez Dumas, c'est quelque chose qui se dessine de façon très, très... C'est un personnage qui est à la fois occulte, qui a une dimension presque de toute puissance, et il ne faudrait pas oublier Rochefort non plus, parce que c'est le trio, finalement, qui fait face au J'en arriverai à la conclusion très simple, et à mon avis, qui résume tout ça. Lisez les Trois Mousquetaires et lisez Dumas de manière globale. Je vous remercie tous et toutes pour cette émission. Mathieu Le Tourneau, Luce Roudier, Élodie Murzy. Si jamais il y avait dans l'œuvre de Dumas un livre à conseiller, Élodie. Ah bah alors à part Les Trois Mousquetaires, moi La Reine Margot aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis on parlait cinéma aussi, je trouve que le film qui a été adapté est absolument aussi incroyable. Donc ouais, Reine Margot, c'est un de mes titres favoris aussi de Alexandre Dumas. Bah moi, c'est un dont on n'a pas trop parlé, Monte Cristo. Monte Cristo. Moi, je ferai la même réponse que Stevenson, l'auteur des Trois Mousquetaires, l'auteur de L'île au trésor. Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, disait mon livre préféré, c'est Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Les trois quarts du roman sont ennuyeux, mais la fin, quand les personnages sont devenus vieux et qu'ils meurent les uns après les autres, est incroyablement émouvante. Parfait, parfait, c'est exhaustif. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Tu sais quel est ton problème, gamin ? Tu lis beaucoup trop de romans. Et après, gamin, tu crois ce qu'il raconte. Le courage, l'honneur, tous pour un. Mais l'histoire n'est pas écrite par les héros, elle est écrite par les vainqueurs. Et on se retrouve demain pour parler de la meilleure série de science-fiction au monde, Battlestar Galactica.